Fin des années 60, les gamins des Five Stair Steps jouent au Jackson 5. Mais Curtis Mayfield n'a plus vraiment le temps de les produire ou de composer pour eux. Alors en 1970, c'est au tour de l'immense Stan Vincent de leur composer ce chef-d'œuvre absolu. Oh Child! C'est d'abord une histoire de trombone et de trompette. Alors, paraît-il, dans le milieu de la musique classique, les instruments à vent sont perçus, parfois, et malheureusement, comme les moins nobles. Bah oui, faut dire, ça souffle, ça vente. C'est moins classe que de jouer de la harpe sur un cheval au galop. Mais nous, on adore. Et Matt, et Andrew Coleman, c'est vraiment leur truc. Le tout en revisite d'un acid jazz bien latino. C'est l'heure de retrouver Momo. Et nous sommes en 2011. La nuit des temps, l'international de la danse. Sweet savory, babe. I love it. You know, but it's... You know that's cocoa butter, though, right? Cocoa butter and Dax. Oh, come on, girl. What do you mean that's a punk look? Afro-punk ass. Girl, you're more photoshopped than the damn festival. You know, sometimes I look at these people and I say to myself, you with your Jimi Hendrix t-shirts. You know, if you was living in Jimi Hendrix day, you'd be listening to Motown. You would. You'd be listening to Motown all day. Yeah, it's just like bebop cats, you know? See these guys, man, they like to play bebop all the time. I'm like, dude, come on. If you was living back in the days on 52nd Street on the golden age of bebop, you'd be playing Tiger Rat. I'm just putting it where it's at right now with everybody, but, don't mind me, it's the good old days, isn't it? Yeah, it's the good old days. That was good. Yeah, that was a one taker, dude. Dans les années 60, les Jackson Sisters étaient l'équivalent en moins connu des Jackson 5. I believe in miracles, baby, because it's you. I believe in miracles, baby, don't you? Les Anglaises de Ces Chichi reprennent aujourd'hui ce hit de 1976. Et c'est un nouveau miracle. Don't you? I believe in miracles, baby. La nuit des temps, Radio Duo. Jackson Sisters ont aussi commencé avec Curtis Mayfield, mais ici, c'est le producteur Johnny Bristol de la Motown qui turbine. Les tubes de Marvin Gaye et Tammi Terrell, c'était lui. Les derniers hits de Diana Ross and the Supremes, c'était lui aussi. Nous sommes toujours en 1976. Lancez la Motown, et le groove vous le rendra. I'm a suburban dude. Wow. Yo. Hey. Yeah, twisted up on the Philly edition. Wax poet, wow. This gas got me drifting away. Wax poet, in fact, the match slowly disappearing. The facts intact, my old soul is interference. Suffered back to back. It's all because of my appearance. Turned tits to raps, cause whites testing my endurance. We was past it. Turned them guns to dogs, pasty bastards. Made me savage when his flow is average. Make me lavish, pay for flights to Paris. Since hilarious, hit me with some marriage. My crib ain't numb, he ain't strong, you go Paris. 37th, that ain't gon' lie, I was embarrassed. But sort of gave my main thing. Left from all red, the stash still in the van. When I needed some head, I was focused. Rap niggas got excuses and lack. Connects on meds, barely rap, lazy as tag. I be foreign on the other shit, been falling in order. I play the border for diversity. Son of work for me, son of work for free in the universities. La nuit des temps, l'international de la danse. Summer's past, we were never meant to last. Someday, be mine when I'm. des temps, Radio Dio. Hey, hit me back, man. You know, L'Allemagne, le Portugal, la Saoul et la Bossa, les Caraïbes, l'Afrique, le jazz, oui, le clubbing et sa date, début 2010. Allez, allez, on remonte le temps, les années 70 cette fois, avec un vrai de vrai, La Havane. Dans les années 30, 1948, après Mexico, il s'installe à New York. C'est la marmite afro-cubaine américaine, c'est la percussion, et il s'appelle Mango Santa Maria. Florence Jolie. Nous sommes en 1982. Elle était produite par un petit gars de Rodez, François Kervorkian. Et ça, c'est toute une histoire. C'est l'histoire du studio Axis à New York. La nuit des temps, l'international de la danse. Sergio Mendes était né en 1941. Il était de Rio et a éclairé la bossa nova comme personne. Il vient de nous quitter. C'était l'un des immenses soleils du Brésil. Sun, here it comes. Mais oui, mais oui, mais oui, le soleil arrive, Here Comes the Sun, par les Beatles, mais aussi Sergio Mendes. Nous étions en 1974, et hop, encore un bond en arrière, car nous voilà, en direction de la toute bossée, tout bossa, et parfaitement nova en 1967, avec toujours Sergio Mendes, mais aussi, le grand et immense Carlos Jobim. Et c'est avec ces deux génies de la bossa que nous allons refermer les portes de notre bon vieux club. Un club sous les étoiles, digne d'un miracle ce soir, avec sur le dance floor Fendi et ses accents indiens. Les mathématiques du groove avec C plus C égale Maxi Gross. Le chiffre 5 des Stair Steps. Jamie X et son sublime nouvel album que l'on n'a pas fini d'épuiser. Coleman Brothers et leur acid jazz. Rose Serret Sotea, une étoile disparue dans le Cambodge des années 70. Toujours le chiffre 5 avec les Jackson Sisters en résurrection surprise par les Seishishi en powerplay cette semaine. Yanis and the Yo et Tony Allen, dont ce sera le dernier son dans l'histoire de l'Afrobeat. The Bahama Soul Club. Et autre percussion folle, mais latine cette fois, avec le Mango Santa Maria. Et pour finir, France Jolie, en post-disco depuis le Studio 54, toujours de New York. Post-disco, post-combustion, c'est le moment de décoller vers les étoiles dans le ciel de Saint-Étienne. Et on devine, parmi ces machines, comme à la radio, qui se prépare, qui se branche, qui se déstructure, qui se répare, qui bug, qui s'enivre sous les doigts de fée de Dan. Il arrive, il câble, il est là tout près. Et pour patienter les étoiles, plusieurs bonus sous le coude pour faire la jonction et décoller définitivement. Attention, le retour n'est pas garanti. Buena noté, c'est les jeudis soirs de Radio Dio. Salut! James.